Bonjour, je voudrais du Stroclémina perastodontalin. Du Stroclémina perastodontalin evatitroglycerumissux ou du bleu ? Bleu ? La santé, c'est compliqué. Découvrez Alan, l'assurance santé 100% digitale qui fait simple et vous rembourse en 72 heures seulement. Le savoir est une entité mouvante, évolutive, parfois stagnante. Une société n'apprend plus rien, ou presque, pendant un temps donné. Parfois même régressive, lorsque des dirigeants s'en prennent à une certaine forme de savoir pour le bannir. Mais qu'est-ce exactement que le savoir, et surtout comment se transmet-il ? Question facile à l'époque de l'écriture, où les mécanismes de transmission sont figés, mais avant l'écriture. Comment nos ancêtres, comment les premières civilisations se transmettaient-elles leurs connaissances ? C'est à cette archéologie de la transmission que nous allons nous intéresser aujourd'hui, ou comment a-t-on appris à apprendre ? Comment a-t-on appris à apprendre ? C'est le programme studieux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à ces mécanismes de l'apprentissage à travers les temps, de la tablette d'argile au big data ou presque, nous avons le plaisir de recevoir les deux directeurs de l'ouvrage collectif Apprendre, archéologie de la transmission des savoirs aux éditions La Découverte dans la collection Recherche, coédité avec l'INRAP. Nous avons donc le plaisir de recevoir Patrick Pion, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence au laboratoire Pretec CNRS en préhistoire dans le département d'anthropologie de l'université Paris-Nantes. Et Nathan Schlanger, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes archéologue et historien des sciences sociales et professeur d'archéologie à l'École nationale des Chartes. Mais avant cela, celle grâce à qui vous en apprenez chaque jour un peu plus sur l'actualité des sciences et de la recherche, c'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec la médaille d'or du CNRS qui a été remise à quelqu'un qui est bien, eh bien familier des auditeurs et des auditrices de la méthode scientifique et que nous aimons beaucoup, c'est Françoise Combe. Oui, la plus haute distinction scientifique française revient à cette astrophysicienne de renom qui est souvent notre invitée ici. Elle travaille à l'Observatoire de Paris, elle est professeure au Collège de France et détient la chaire Galaxie et Cosmologie. Également enseignante-chercheuse à l'UNS, elle est membre de l'Académie des Sciences et présidente du Comité français des unions scientifiques internationales. Françoise Combe s'intéresse aux galaxies, comment elles vivent, comment elles meurent, et plus particulièrement aux gaz moléculaires qui forment les étoiles. Pionnière de la chimie du milieu interstellaire, c'est un peu une chasseuse de molécules extragalactiques. Elle a mis au point de nouvelles techniques pour détecter des molécules très lointaines qui se forment juste après le Big Bang. Mais c'est encore elle qui en parle le mieux. Alors, nous avons en effet utilisé les quasars lointains. Les quasars lointains sont comme des phares, parce qu'ils ont une luminosité formidable. Ils peuvent au maximum envoyer 1000 fois plus de luminosité que toute la galaxie dans laquelle ils sont. Donc, c'est énorme. Et donc, on se sert des quasars comme phares qui permettent d'illuminer toute la matière qu'il y a sur la ligne de visée. Donc, on a trouvé, un peu par hasard, c'était pas voulu. Au début, on voulait détecter par émission de molécules. La molécule la plus abondante que l'on observe, c'est celle du monoxyde de carbone. Donc on voulait observer une émission de monoxyde de carbone dans une galaxie qui était proche d'un quasar. Et finalement, on a été surpris de voir une absorption. Donc finalement, le quasar envoie une lumière et les molécules sur la ligne de visée, qui n'ont rien à voir avec le quasar, mais sont juste là devant nous et ils absorbent la luminosité du quasar qui est très forte. Et comme elle est si forte que ça, ça nous permet de détecter une quantité de molécules qui est très faible. Une masse solaire, par exemple, suffirait, alors que en émission, il nous aurait fallu 10 fois plus, c'est-à-dire des milliards de fois plus. Donc ça nous permet de détecter un petit peu de gaz par absorption grâce à la force du quasar derrière. Alors on a commencé dans les années 95, on continue encore, il y a eu un boom. On a détecté beaucoup de ces objets, enfin beaucoup, 5 ou 6, hein, c'était déjà un grand nombre à l'époque, jusqu'en 2008. Et puis maintenant, on en continue. Et on a des grands programmes maintenant avec ALMA. Et puis aussi, on en aura avec SKA, qui est le Square Kilometer Array, le prochain, qui va, on a un large programme sur les précurseurs de SKA pour détecter des absorptions devant les quasars. Ouais, ces travaux s'appuient à la fois sur des observations, mais aussi sur des simulations numériques théoriques. C'est d'ailleurs elle, hein, qui a l'idée, dans les années 70, pendant sa thèse, de réaliser des simulations numériques, non pas en 2D, mais en 3D, de façon plus réaliste. Ses recherches ont permis de déterminer la température du fond cosmologique, ou encore de prouver qu'au sein des galaxies, la formation des étoiles est ralentie par les trous noirs supermassifs qui logent en leur centre. Sur la matière noire, elle est aussi l'une des grandes expertes françaises. Alors depuis la création de la médaille d'or du CNRS en 1954, elle n'est que la 5e femme à recevoir ce prix. Et à ce sujet, elle a un message à passer aux jeunes générations de chercheuses. Oui, je pense qu'il est important que des femmes aient aussi ce genre de récompense, parce que évidemment au début, il n'y en avait pas beaucoup. Je pense qu'il y a un effort aujourd'hui pour essayer de rétablir un peu l'équilibre. Il faut aussi que les jeunes femmes qui veulent se diriger vers la recherche et des modèles comme ça, et qui montrent que ce n'est pas impossible, que ce n'est pas réservé aux hommes et que les femmes ont toute leur place dans cette recherche. Donc ça, je pense que ça va les encourager à se dire qu'elles ont une place égale aux hommes et qu'elles peuvent faire autant en recherche. Et donc ça, c'est important. Et les femmes qui sont choisies aussi. Voilà, et nous félicitons toute l'équipe de la méthode scientifique, Françoise Combes, que nous allons évidemment recevoir après ce prix une nouvelle fois avec plaisir dans les semaines qui viennent. Et puis, nous venons de poster sur notre fil Twitter un certain nombre d'émissions auxquelles elle a participé. Vous pouvez retrouver en vous abonnant eh bien, au fil Twitter de l'émission @laméthodefc, également sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Planète vivante, le dernier rapport du WWF sur la biodiversité est sorti aujourd'hui, c'est pas très drôle. Ouais, c'est un rapport basé sur l'étude de 4000 espèces. Il est publié tous les 2 ans et ses résultats sont toujours plus alarmants. Entre 1970 et 2016, les populations d'animaux sauvages ont chuté de 68%. 2/3 de la faune sauvage a disparu en moins de 50 ans. En France, par exemple, 60% des moineaux ont disparu depuis 1980. 1/3 des surfaces du globe sont utilisées pour l'agriculture. Le rapport dénonce la surexploitation de la planète. Pour inverser cette courbe, il faut un changement radical, insiste l'ONG, qui propose des pistes d'action comme changer nos modes de production et de consommation, moins de pesticides, moins de gaspillage, plus de zones naturelles protégées, mais aussi réduire drastiquement la consommation de viande, la surpêche et la déforestation. Une étude parue hier dans la revue Nature décrit une innovation technologique des puces à refroidissement automatique. Mais c'est peut-être le futur de l'informatique. Rappelons que les dissipateurs thermiques et que les ventilateurs, utilisés pour refroidir les micro-puces des ordinateurs, consomment beaucoup d'énergie. De plus, ces dissipateurs de chaleur sont plus volumineux et plus lourds que les micro-puces elles-mêmes, ce qui est un facteur limitant pour rendre ces appareils plus légers et plus compacts. Cette équipe suisse a créé un réseau microscopique refroidissant intégré dans la micro-puce elle-même. Les tests ont montré qu'elle avait une puissance de refroidissement 50 fois plus élevée que les méthodes conventionnelles. Selon les auteurs, cette invention pourrait rendre les appareils électroniques plus compacts, donc plus efficace, mais aussi plus économique et plus écologique. Et enfin, au Mexique, les chercheurs viennent de déterrer le plus grand site de fossiles de mammouth jamais découvert. Et le chantier sur le nouvel aéroport international de Mexico a mis au jour un cimetière de mammouths. L'équipe de fouilles a déjà déterré 200 squelettes, des ossements vieux de 10 000 à 25 000 ans, en parfait état de conservation. Située sur le lit d'un ancien lac, la zone devait être un emplacement idéal pour la faune et la flore de l'époque. Mais la quantité d'ossements interroge les chercheurs. Deux hypothèses sont avancées. Soit le lac devenait boueux en hiver et les mammifères y restaient accidentellement coincés, soit cette zone boueuse pouvait servir de piège à mammouth pour la chasse. Peut-être qu'Homo sapiens a consommé plus de viande de mammouth qu'on ne le pense. Merci Natacha, demain pour le journal des sciences de la semaine. En cette rentrée des classes, nous avons voulu interroger la notion d'apprentissage, ce qui nous semble si naturel aujourd'hui, réunir des enfants ou des adultes d'ailleurs, des personnes en tout cas, dans une salle unique et leur inculquer des connaissances venues d'un apprenant à destination d'un groupe. Cette configuration n'a de fait non seulement rien de naturel, mais elle est surtout très récente dans l'histoire de l'humanité. Comment se sont répandues les techniques de cuisine, de chasse, d'élevage, les rues de funéraires aussi, pourquoi pas? Comment les langues ont-elles fait leur chemin dans les populations préhistoriques? Comment comprendre la façon dont s'est diffusé le savoir quand on n'en a pas de traces écrites? C'est l'ambition du colloque Apprendre, archéologie de la transmission des savoirs qui s'est tenu à la Cité des Sciences il y a un peu plus de 3 ans et dont les actes sont retranscrits dans ce livre publié aujourd'hui aux éditions La Découverte. Et par ailleurs, cette configuration d'apprentissage contemporain que je vous décrivais au tout début de cette présentation, certains ont tâché de la transformer comme l'inévitable Célestin Freinet à l'origine de la méthode du même nom. Selon les méthodes que nous disons traditionnelles, c'est toujours la pensée du maître qui oriente toute la pédagogie. C'est le maître qui, le matin en arrivant, indique ce que l'enfant doit apprendre, ce qu'il doit réciter, ce qu'il doit étudier. Nous, nous pratiquons d'une façon tout à fait différente. Le matin, à l'arrivée, les enfants nous exposent, nous disent ou nous lisent le compte rendu de ce qu'ils ont vu autour d'eux, de ce qu'ils ont entendu dans leur famille, ce qu'ils ont remarqué. Et ce sont ces textes libres qui serviront de base à toute notre pédagogie. Notre méthode est essentiellement coopérative. C'est l'enfant qui agit librement au sein de son milieu, au sein de la communauté. C'est vraiment la coopération sur la base de l'initiative et du travail de l'enfant lui-même. De sorte que notre classe est orientée naturellement vers l'étude du milieu. C'est-à-dire qu'à la base, il y a la vie et la pensée de l'enfant. Et ensuite, nous retrouvons la pensée de l'adulte. Nous inversons simplement le système. Au lieu de partir de l'adulte pour venir à l'enfant, nous partons de l'enfant pour aller à l'adulte et au milieu qui l'environne. Voilà, Célestin Freinet sur sa fameuse pédagogie. Si nous avons choisi cette archive, c'est parce que, bien voilà, quelqu'un qui réfléchit justement à ce que j'évoquais au tout début de cette introduction, à savoir le fait que, bien, cet apprentissage très très vertical du maître vers les élèves, d'un adulte sachant vers des plus jeunes apprenants, Patrick Pion, il est assez récent, c'est assez moderne comme conception de l'apprentissage. Oui, parce que nous dit Freinet, il prend le contre-pied des pratiques qui sont celles de l'école de la Troisième République, pour faire simple. Et au lieu d'une pédagogie passive où il y a un sachant qui déverse son savoir dans ce qui serait des sachets quelque part, hein, des contenus, il prêche pour une pédagogie qui est une pédagogie active, c'est-à-dire qui part du milieu et des connaissances de l'enfant pour que l'enfant construise lui-même ses savoirs avec l'aide du maître. Donc c'est fondamentalement différent de ce qui se pratiquait, de ce qui pratique encore beaucoup aujourd'hui. Nathan Schlanger, une réaction justement à ça, à Freinet, puis justement à cette organisation de l'apprentissage extrêmement récente dans l'histoire de l'humanité. Oui, c'est vrai que la situation formelle, formalisée dans un espace dédié, peut être considérée comme quelque chose d'assez récent, des derniers millénaires, que nous connaissons. Néanmoins, la dimension de la pédagogie, de la démonstration, de porter l'attention, est au contraire un élément qui va, lui, exister depuis les 3 derniers millions d'années. Et il ne faut pas, si vous voulez, pêcher dans l'autre extrême, mais considérer que l'apprentissage ou la transmission de savoir ne se fait que passivement, par osmose, dans un milieu donné. Donc il faut savoir traduire cette combinaison dans des méthodologies scientifiques pour réfléchir à cette dualité de l'initiative de l'apprenant et de l'initiative de l'appreneur. Et vous vouliez aussi également dire un mot sur finalement la sortie de ces actes hein, du colloque de 2017. Aujourd'hui, dans le contexte d'actualité épidémique, pour quelles raisons, Nathan Schlanger? Il m'a semblé que c'est une démonstration de plus de la pertinence de l'archéologie, qui ne s'occupe pas seulement de vieilles choses poussiéreuses, mais qui est tout à fait dans le contemporain. Dans un premier lieu, l'archéologie nous apprend sur les catastrophes, des désastres du passé, que nous avons déjà vécu, des tremblements de terre, Pompéi, des pestes, des maladies, des changements climatiques, et nous donne une longue durée sur cette question. Un deuxième aspect très important, l'aspect méthodologique, l'archéologie, c'est le travail de l'absentiel. L'archéologue n'a pas les êtres humains à observer. Et donc, il doit travailler en absence et essayer de déduire des informations sur la base des traces qui sont laissées. Et le troisième point, c'est qu'évidemment, ces traces que l'archéologue met en présence, c'est la culture matérielle. C'est les objets, c'est la matérialité, c'est les aspects tactiles, tangibles, qui justement, ceux qui sont perdus lorsque l'on est entre Zoom ou par téléphone et qu'on n'a pas cette présence physique qui est indispensable, comme le montre l'archéologie. Patrick Pion, à ce sujet justement, on parle d'archéologie, l'archéologie de la transmission des savoirs dans ce titre, c'est effectivement une archéologie d'aller chercher des traces dans le registre fossile, dans le registre archéologique de la transmission, mais c'est aussi une forme de plongée archéologique dans la façon dont on a appris justement à apprendre. Oui, alors pour le préhistorien, évidemment, il étudie des sociétés qui malheureusement nous ont pas laissé de podcast sur France Culture ou France Inter, ni de vidéos sur YouTube. Et donc, ce qu'on fait ressemble à un peu à une plongée en eau profonde où le plongeur ne voit pas le paysage qui est dans l'obscurité, mais voit seulement ce qui est dans le spot ou le faisceau de sa lampe frontale. Et finalement, le paysage sous-marin, il le reconstitue mentalement à partir de ce qui est vu. Et ce que font les archéologues et les préhistoriens notamment, c'est ce travail de reconstitution mentale à partir de bribes. Parce qu'il faut savoir que ce dont on dispose, en fin de compte, c'est assez peu de choses, même si c'est déjà beaucoup. Mais on peut faire parler ces choses et on peut, même si on n'a pas un accès direct, c'est vraiment un défi de pouvoir parler des savoirs, des connaissances et des façons dont elles sont transmises dans des sociétés qui sont des sociétés de l'oralité. On arrive quand même petit à petit à sortir des choses. Et on va voir justement comment vous menez cette enquête. Le titre, c'est Archéologie de la transmission des savoirs, mais c'est un ouvrage qui convoque énormément de disciplines. Nathan Schlanger, on fait pas que de l'archéologie, on fait beaucoup d'anthropologie, on fait de l'ethnologie, on fait de la paléo-archéologie ou de la paléo-anthropologie. Enfin, c'est vraiment très très pluridisciplinaire comme approche. Oui, nous avons de la linguistique aussi. Enfin, de la linguistique et de l'histoire. Bien sûr. Nous avons souhaité dans l'esprit de ces colloques. D'ailleurs, que sont les colloques annuels qui sont organisés par l'INRAP dans différentes institutions. Nous avons souhaité élargir la palette et montrer la diversité de situations, de conditions dans lesquelles un regard archéologique aura une certaine résonance et une certaine pertinence. Donc évidemment que l'archéologie n'est pas la seule source pour la compréhension de ces questions de transmission. Elle est néanmoins, on a essayé dans ce volume, un cadre fédérateur, une ligne qui permet de suivre et d'entrevoir dans différents contextes, qu'effectivement que ça soit la forêt tropicale, que ça soit l'école républicaine, que ça soit les fortifications de Louis XIV, que ça soit l'apprentissage justement, comme le fait mon collègue, l'apprentissage de l'écriture à l'école. Toutes ces situations-là, on espère, convergent vers une image un peu pléthorique, mais en même temps satisfaisante, nous semble-t-il. On va voir qu'il n'y a pas vraiment de fil chronologique, que sont vraiment les actes d'un colloque, donc ce sont des interventions qui viennent éclairer certains points, mais qu'il n'y a pas forcément d'ambition systématique. Absolument systématique, ça m'ira très bien. Et vous allez voir qu'on va essayer de comprendre justement un peu en faisant des, justement comme l'évoquait Patrick, des focus dans la lampe du plongeur sous-marin sur quelques étapes importantes de ce que peut être la transmission des savoirs. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h20 sur France Culture, nous parlons donc d'archéologie de la transmission des savoirs en compagnie de Patrick Pion et de Nathan Schlanger. Peut-être que pour s'interroger sur les différentes modalités de la transmission de ce savoir, encore faut-il tomber d'accord sur de quel savoir parle-t-on. Qui veut répondre à cette question? Patrick Pion, qu'est-ce que c'est qu'un savoir? Comment est-ce que vous appréhendez le savoir qui est à transmettre dans ce livre et dans ce colloque? Alors, le savoir, c'est une chose, on peut avoir une discussion philosophique, et c'est pas ce qu'on fera dans ce lieu, mais on peut dire que c'est on peut l'avoir aussi un petit peu, somme des expériences individuelles et collectives rassemblées et mises en forme pour être transmises. Donc c'est quelque chose, c'est une construction sociale où on opère un classement, une sélection de ces expériences qu'on juge utile pour les transmettre. Et alors évidemment, selon les sociétés, on va faire un découpage du monde et de ses réalités qui pourront être très très différents d'une société à l'autre. Bien sûr, ce que je veux dire, c'est que l'acception de savoir tel qu'il est appréhendé par chacun des actes de ce colloque, ça n'est pas forcément le savoir au sens intellectuel, ça peut être vraiment toute une diversité de savoir au sens large, c'est-à-dire que ça peut être des rituels, des techniques, de la connaissance de groupe, enfin c'est vraiment très très vaste. Ah ben, on a pris savoir dans le sens le plus large qui soit, qui couvre les différentes formes de savoir avec les catégories qu'on a pu faire entre les savoirs implicites, les savoirs explicites, les savoirs empiriques et les savoirs intellectuels ou construits, etc. On a pris savoir dans le sens le plus large et qui couvre un éventail extrêmement ouvert d'expériences individuelles et collectives dans l'appréhension du milieu et la façon dont on l'intègre, dès l'enfance d'ailleurs, dès la toute petite enfance, puisque le nourrisson, avec la néothénie, apprendre dès qu'il est né, peut-être même avant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, pendant très longtemps, on a parlé de l'être humain comme homo docent, hein, l'homme qui apprend. Or, on voit bien aujourd'hui que cette conception de la spécificité humaine est complètement dépassée, que la transmission du savoir, elle se passe ailleurs que dans les sociétés humaines. Alors, c'est une question qui est peut-être, je donnerai la parole à Nathan ensuite, et qui complétera ou reviendra sur ce que je dirai. Mais il faut pas confondre communication et savoir. Donc, les plantes communiquent, les animaux communiquent. Est-ce que pour autant il y a des savoirs derrière? C'est pas si évident que ça. Parce qu'il y a un niveau de conscientisation et d'emboîtement pour recombiner ces connaissances qu'on ne connaît pas vraiment dans le monde animal pour l'instant. Nathan Schlanger. Oui, je conclure tout à fait avec ce que le scepticisme de Patrick. C'est clair que la situation de démonstration, la volonté de mise en situation d'un appreneur, de celui qui ne sait pas, pour acquérir une certaine connaissance ou voir des savoir-faire, est relativement spécifique. À l'espèce humaine, hein, hors cas épisodiques observés ici ou là. Et donc, il faut garder à l'esprit que c'est cette dimension-là qui va être suivie par les archéologues préhistoriens depuis 3 millions d'années, qui est distincte de l'apprentissage formel en classe, où on arrive à 8 heures du matin, et ça, c'est évidemment situé historiquement, économiquement, dans un contexte particulier. Mais l'idée que il y a une somme de connaissances, savoir-faire qui est transmissible, et dont c'est l'intérêt de l'adulte comme de l'enfant de le transmettre, il me semble-t-il, est relativement spécifique, ou du moins, c'est une bonne hypothèse pour se lancer dans des recherches sur les origines et l'histoire de l'apprentissage. Ce qui est intéressant, on va pas engager ce dialogue de savoir si, enfin, il faudrait un éthologue, ce que je ne suis pas, et même y a-t-il un savoir animal qui peut être transmis d'autre façon, ce sera l'objet d'un autre débat passionnant, mais ça n'est pas le nôtre aujourd'hui. On va revenir sur cette question de transmission, parce que c'est vrai que quand on pense à la transmission aujourd'hui dans le contexte contemporain que vous venez de définir, c'est-à-dire celui de la classe, on voit vraiment une transmission très particulière, très singulière, qui est la transmission verticale d'un savoir qui se veut être répliqué. On apprend par cœur. Or, vous montrez, et ce colloque montre particulièrement avec vraiment beaucoup de force, que la transmission, ça n'est évidemment pas la réplication d'un savoir, Nathan Schlanger. Oui, il y a cette ambiguïté entre la continuité, la tradition, le maintenir un certain état de connaissance pour des raisons existentielles, pratiques, de subsistance, il faut savoir s'y prendre, et la part, justement plus ou moins diverse, à cerner, la part de l'innovation, de l'aléa, de la possibilité de faire de la modification, de l'interprétation. L'interprétation, tout à fait. Et donc, il y a ces éléments qu'il faut essayer de mettre en rapport. La spécificité, je reviens à mon point de départ, la spécificité dans le cas des activités humaines, c'est la matérialité. C'est la matière. Et c'est la matière, et le cas échéant, les silex taillés que l'on connaît depuis 3 millions d'années, qui posent des problèmes qui doivent être maîtrisés. Et cette maîtrise nécessite donc l'acquisition de compétences, comment tailler le silex, et la capacité d'une certaine ingéniosité, d'une certaine réactivité par rapport aux aléas qu'apporte la matière. La matière, les matériaux eux-mêmes ne sont pas standardisés et nécessitent une réflexion permanente. Et donc il y a cette situation intéressante où les tailleurs de silex à la fois reproduisent pendant des millénaires le même type d'objet, mais à chaque fois rencontrent des problèmes, des enjeux, des solutions particulières à leur démarche technologique. Ce qui est intéressant quand on s'intéresse, oui Patrick Pion, je veux juste peut-être pour relancer un peu sur ce que vient de dire Nathan Schlanger, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, vous l'avez dit et c'est évoqué dans ce livre, la plupart du temps quand on est en préhistoire, il n'y a pas de registre écrit, mais d'autre part, quand bien même on commence à avoir des traces écrites, ça n'est pas parce qu'on a une trace écrite que la trace écrite décrit la manière de l'apprentissage. Donc il y a vraiment deux niveaux de décodage qu'il faut faire. Le premier, c'est comment comprendre la transmission quand on n'a pas de trace écrite, et quand on a du registre fossile et un peu de registre écrit, comment est-ce qu'on infère la façon dont ce registre a été transmis ? Je dirais que l'approche archéologique pour les périodes historiques, donc à partir du moment où on a l'écriture, garde toute sa légitimité, et ça pour plusieurs raisons. D'une part, parce que même dans les sociétés où on pratique l'écriture, ce n'est pas tout le monde qui la pratique, ça reste souvent une pratique relativement marginale ou réservée, en général aux puissants, qui ont donc la maîtrise de l'information, de la connaissance, mais qu'une grande part de les gens du commun, disons, apprennent, font, inventent et transmettent sans ce médium. Et aujourd'hui encore, il y a, je crois, à peu près un cinquième de la planète qui est analphabète. Hein, donc on n'est pas sorti complètement de cette situation. Donc ça, c'est un premier élément de légitimité d'une approche archéologique, de la matérialité des choses pour étudier les savoirs et les savoir-faire. Et puis la deuxième raison, c'est que, et on en parle à plusieurs reprises dans l'ouvrage, à travers plusieurs articles, c'est que la matérialité même des supports va inférer, raisonner sur les savoirs eux-mêmes et les transformer. Par exemple. Et là, on a l'exemple récent de ce que change, par exemple, l'accès à Internet pour une information généralisée et non contrôlée ou non validée par les instances sociales habituelles, donc un flot d'informations directement accessible et qui modifie complètement, par exemple, les approches de l'enseignement ou de la connaissance. Mm-hmm. Nathan Schlanger, sur ces... Oui, un autre exemple que l'on peut donner, c'est évidemment un récit que l'on lit sur papier et que l'on lit sur une tablette. La lecture de la tablette, ça a été vérifié plusieurs fois empiriquement, on retient moins bien le déroulé chronologique de l'histoire lorsqu'on le lit sur un médium électronique plutôt que sur un médium où on tourne les pages, où le temps de la lecture est inscrit dans la matérialité de l'objet. Donc il y a beaucoup d'instances, il y a beaucoup de cas où c'est assez facile à montrer, la matérialité du support, l'agencement, l'organisation physique du contexte sont déterminants. Et vous parlez par exemple du livre ou de la tablette, mais c'est aussi vrai dans le livre sur un rouleau ou sur un livre, ce n'est pas la même chose que sur une tablette en argile. Tout ça va changer la façon finalement de transmettre le savoir qui est inclus sur ces différents supports. Absolument. Patrick Pion. Alors, je veux rebondir sur ce que vient de dire Nathan et le prolonger, c'est tout à fait intéressant, l'exemple de la tablette. Plusieurs expériences et études... Alors, de la tablette électronique ou d'argile ? Électronique. Électronique. expériences et études qui ont été faites qui montrent qu'en fait, il y a une dimension aussi qui est psychocognitive dans le changement du support, et que, par exemple, les étudiants qui prennent des notes à la main retiennent beaucoup mieux le cours qui a été donné que ceux qui notent sur la tablette, où on a tendance à faire une notation mot à mot, alors que l'écriture à la main, qui est plus lente, exige de faire déjà une synthèse de ce qui était dit. Mais alors du coup, pour revenir finalement au registre archéologique et au registre préhistorique, Patrick Pion, ça c'est pour la transmission quand on a déjà le stade de l'écriture, même si vous venez de l'expliquer, hein, tout le monde n'a pas accès à l'écriture, et donc on a vraiment une fenêtre très étroite sur l'ensemble d'une population donnée. Comment, quand on est en deçà ou en amont encore de l'écriture, on parlait tout à l'heure des pierres taillées, comment est-ce qu'on infère la capacité de transmission d'une technique d'un groupe à un autre, de l'évolution de cette technique à travers le temps et de la façon dont elle a été transmise ? Alors c'est une démarche qui nécessairement est indirecte pour les raisons que je donnais tout à l'heure. On n'a pas de vidéo, on n'a pas de podcast, etc. malheureusement. On a. Alors si on veut répondre à cette question, il faut d'abord prendre conscience que les méthodes que l'on va développer sont largement conditionnées, sont largement dépendantes des sources elles-mêmes. Donc les sources qu'on a pour approcher ça, ce sont bien souvent des rebuts, des poubelles à l'archéologie de l'humanité. C'est pour une grande partie l'archéologie des poubelles. Donc des artefacts, des objets qui ont été fabriqués puis rejetés. Ce sont des rejets alimentaires aussi, donc des objets du quotidien. Ce sont des aménagements techniques. Ce sont aussi, et c'est important, des rebuts de fabrication. Et éventuellement des installations techniques comme des fours métallurgiques ou des fours à céramique, etc. Et puis, de façon très exceptionnelle, on a des témoins avérés de ce qui est une expression symbolique à travers, d'une part, les rituels et les comportements rituels liés au traitement des morts. À partir du moment, donc, apparition de la spiritualité, d'une forme de spiritualité, à partir du moment où on a une attention particulière et qu'on va faire des enterrements au sens large, hein, on aura des sépultures, et puis à travers ce qu'on qualifie d'art préhistorique, qui sont les peintures, les gravures, les statuettes, etc. Et donc, les savoirs ou les modes d'apprentissage, ils sont pas donnés, ils doivent être déduits. Alors, on dispose d'une palette de techniques qui sont adaptées à ces sources. Il y a certainement, parce que c'est le plus facile, même si la démarche n'est pas facile, c'est ce qui vient le plus directement, ce sont les études technologiques, c'est-à-dire comment tel objet a été fabriqué, quelles sont les étapes de sa fabrication, et quels savoir-faire sont impliqués à chacune de ces étapes. Ce qui est plus ou moins facile à déduire selon les matériaux, parce que par exemple avec le silex, chaque étape a des déchets caractéristiques. Avec la céramique, chaque étape efface les traces de l'étape antérieure, donc on pratique pas tout à fait les mêmes techniques ou les mêmes méthodes. Alors dans cet éventail de techniques, on a la tracéologie, avec une instrumentation assez lourde derrière, le microscope à balayage, les instruments qui permettent de faire de la tomographie 3D, et qui vont permettre d'aller plus loin dans la matérialité de l'objet et ce qu'on en a fait. Et puis, on a l'archéologie expérimentale, qui est une dimension importante et fondamentale. Il s'agit pas du tout de reproduire des objets préhistoriques, c'est pas du tout l'objet de la démarche. Il s'agit de vérifier les hypothèses qu'on a élaborées à partir des observations faites sur les objets, et puis peut-être et surtout d'identifier les contraintes auxquelles on n'a pas pensé et que les hommes préhistoriques ont dû surmonter pour passer ces étapes. Et puis on a une troisième gamme d'outils qui repose sur le comparatisme ethnographique, c'est-à-dire qu'on va comparer nos sociétés préhistoriques avec des sociétés qui sont supposées comparables, au-delà de leur singularité, etc. Ce qui veut dire qu'on va poser comme postulat qu'il y a des régularités transculturelles et que, par exemple, ce qu'on peut observer sur les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui, moyennant ces régularités, ce qu'ils ont en commun pourrait être reporté éventuellement sur les sociétés anciennes. Mais c'est un inconvénient majeur, cette démarche, c'est que ça induit à considérer ces chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui comme des fossiles de l'histoire, alors que ces chasseurs-cueilleurs ont une histoire et que ce qu'ils sont aujourd'hui est lié à cette histoire. Et à une histoire évolutive, voilà. Évidemment. Et puis il reste encore une technique, c'est l'anthropologie physique, avec les études sur, par exemple, la forme du cerveau ou le développement des différentes aires qu'on peut abordé par les empreintes qui ont été laissées sur les crânes, mais c'est aussi les déformations de squelettes et les pathologies qui sont liées à des activités particulières. Et par exemple, on connaît pour la période de Hallstatt, je ne sais pas si on a le temps Bon, en un mot, allez-y. Hallstatt, un grand cimetière avec des populations qui sont connues pour avoir exploité intensivement le sel et l'avoir commercé. Et on pouvait penser, vu la différence de richesse des tombes, qu'il y avait des riches, des pauvres, et que les pauvres allaient travailler dans les mines pendant que les riches vendaient ou échangeaient. Et en fait, l'étude du cimetière et des squelettes a montré que tout le monde travaillait dans la mine. Sarcasm in the classroom. comment résister à Pink Floyd, Another Brick in the Wall, lorsqu'on parle d'éducation, de transmission et de rébellion contre certaines méthodes ancestrales. C'est en tout cas l'histoire de cette archéologie de la transmission des savoirs qui est la nôtre, avec la publication des actes d'un colloque qui s'est déroulé à la Cité des Sciences avec l'INRAP. C'est publié aux éditions de la Découverte et sous la direction de Patrick Pion, qui est maître de conférence au laboratoire Pretex CNRS en préhistoire dans le département d'anthropologie de l'Université de Paris-Nanterre, et Nathan Schlanger, qui est archéologue et historien des sciences sociales, professeur d'archéologie à l'École nationale des Chartes. On va parler de quelques exemples précis, hein, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, chacun des actes de ce colloque prend des situations particulières, et on va suivre celui de l'écriture cunéiforme. Elle s'est transmise pendant des millénaires, hein, depuis le paléolithique jusqu'au début de l'ère chrétienne dans le bassin mésopotamien. Bonjour Céline Dozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à la Maison des sciences de l'homme à l'Université de Nanterre pour comprendre comment cette écriture se transmettait via des tablettes, mais d'argile cette fois. Oui, l'écriture cunéiforme est apparue il y a presque 5000 ans en Mésopotamie, dans le sud de l'Irak. Utilisée par les Sumériens et les Akkadiens dans tout le Proche-Orient, on appelle cette écriture cunéiforme parce qu'elle s'imprime dans l'argile fraîche par des signes en forme de coin ou tête de clou. Cécile Michel, assyriologue, est spécialiste de ces systèmes d'écriture et depuis plus de 20 ans, elle étudie les formes d'apprentissage retrouvées sur ces tablettes, autrefois utilisées par les jeunes scribes pour leurs exercices de grammaire ou bien de calcul. L'écriture cunéiforme, c'est une écriture qui s'écrit en 3D, en creux, dans l'argile fraîche. Et on imprime ces signes qui sont en forme de clous ou de coins, d'où le nom cunéiforme qui vient du latin en forme de clous ou de coins. On imprime ces signes à l'aide d'un stylet fait en général en roseau dans l'argile. C'est donc une combinaison de petits clous verticaux, horizontaux ou têtes de clous qui permet de fabriquer ces signes cunéiformes. L'intérêt de l'argile, c'est que c'est un matériau qui a survécu au temps. À l'origine, les tablettes cunéiformes n'étaient pas cuites, mais quand certains bâtiments ont pris feu, ça cuit les tablettes qui sont d'autant mieux conservées. Ce système d'écriture est assez particulier. Ce sont des logos. Il y a pas, ce ne sont pas des caractères syllabiques ou alphabétiques. Alors, à la base, c'est un signe pour un mot. Donc, c'est un système logographique. C'est-à-dire que pour chaque mot, pour chaque idée, on a un signe différent. Donc, il faut plus d'un millier de signes pour écrire une langue, ce qui est relativement complexe. Si le geste est simple, l'apprentissage est compliqué à cause de cette quantité de signes. Quels sont les types de textes que vous avez retrouvés qui retranscrivent cette idée de transmission des savoirs, de l'apprentissage, que ce soit pour former les jeunes scribes à l'école ou bien former des marchands sur des systèmes numériques Alors moi, je travaille sur un corpus qui est à peu près contemporain, dans le nord de la Mésopotamie, dans le nord de l'Irak, pas très loin de Mossoul. Là, il y a des marchands assyriens qui sont allés faire du commerce à longue distance en Anatolie. Ils exportent de l'étain et des étoffes et rapportent en échange de l'or et de l'argent. Et ils ont établi en Anatolie centrale un vaste réseau de comptoirs de commerce. Et dans certaines maisons, on a trouvé quelques textes scolaires. Et à côté de ça, on a trouvé, alors aussi bien à Achour qu'en Anatolie à Kanej, on a trouvé des petites tablettes lenticulaires où ils faisaient des exercices de conversion. Il s'agissait de trouver combien coûtait en argent le poids d'un autre métal donné. Donc, on donne le prix par cycle de ce métal. Alors, le cycle, c'est une unité qui pèse 8 grammes. 60 cycles égale une mine et 60 mines égale un talent. On est dans un pur système sexagésimal qui est vraiment le système de compter en Mésopotamie. Alors, j'ai apporté une de ces petites tablettes. C'est une copie, c'est moi qui l'ai faite, mais d'après un texte original qui a été trouvé dans les maisons de ces marchands. Donc, c'est une tablette en argile de forme lenticulaire, justement. Exactement. Et donc, on lit de gauche à droite. C'est impressionnant, mais juste pour préciser, cette tablette, elle est quand même assez petite en taille. Elle doit faire 5 cm de diamètre. Tout à fait. Et les caractères, s'écrit sur 4 lignes. Donc ici, ça c'est un nombre, c'est le 10, c'est ce qu'on appelle le chevron ou la tête de clou oblique. Ensuite, vous avez le signe ma, puis le signe na. Mana, c'est la mine, donc une mine, c'est 60 cycles. Là, c'est syllabique. On est chez les Assyriens, c'est un dialecte de l'Akkadien, donc ils utilisent l'écriture syllabique. Ensuite, donc, vous avez deux logogrammes. Donc, en fait, vous voyez tout de suite, c'est un mélange. Le premier qui veut dire métal, coût 3, et le deuxième, gui, qui veut dire jaune. Et donc, le métal jaune, c'est l'or. Mmh. Si on veut dire argent, c'est coût 3, babar, c'est le métal blanc. Donc ça, ce sont des logogrammes sumériens. Et ça, ce sont des syllabes utilisées pour écrire le dialecte de l'Akkadien, qui est l'assyrien. Ici, on est dans la première forme écrite de l'assyrien. Donc on a 10 mines d'or. Ensuite, Zakium. Et Zakium, ça veut dire pur. Donc d'accord, c'est de l'or pur. Ensuite, on a 5 et demi. Donc vous voyez, il y a 5 clous. Une rangée de 3, puis 2 en dessous, donc c'est le chiffre 5. Et ça, c'est un signe pour la fraction 1/2. Et puis ensuite, ça, c'est le signe qui veut dire guinde, c'est un logogramme, et ça équivaut au cycle. Et ici, c'est le signe ta, qui est le distributif sumérien, ça veut dire chaque. Donc, chaque cycle d'or vaut 5,5 cycles, entre parenthèses, d'argent, c'est pas noté. Et donc, ensuite, on a le logogramme coût 3 pour le métal. Alors, on n'a pas précisé que c'était l'argent, mais c'est implicite. Et bi, qui est un complément grammatical sumérien, qui veut dire son métal. Donc, son équivalent en argent. Donc, l'équivalent, une fois qu'on a fait la multiplication, son équivalent en argent, c'est 5. Donc, vous en avez 3 et puis 2 autres. Donc, 5 dizaines. Et ensuite, 5 unités. Puisque vous en avez une rangée de 3 clous verticaux et dessous 2 clous verticaux. Donc, on a 55 manas. Donc, on a multiplié 5,5 par 10 et on obtient bien 55 mines. D'accord. Voilà. C'est incroyable à quel point, avec simplement ces caractères qui sont très récurrents, on peut aboutir à des idées pour désigner des objets, des nombres. Mais c'est en ça que l'écriture est absolument ingénieuse. Parce qu'on part de 3 clous de base et avec ça, on écrit tout. Et c'est extrêmement facile d'imprimer ces clous dans l'argile une fois qu'on a compris le geste. Donc, la difficulté, c'est pas la technique de l'écriture. La difficulté, c'est mémoriser ces quantités de signes pour chaque mot, pour chaque syllabe, etc. Et alors, ce qui est intéressant quand on étudie les listes lexicales, c'est qu'on s'aperçoit que les élèves apprenaient énormément plus de vocabulaire qu'ils n'utilisaient par la suite. Peut-être 70 à 80% des mots qu'on a dans les listes lexicales ne sont pas attestés dans les autres tablettes. Donc, tout un vocabulaire qui, finalement, n'est jamais utilisé. Voilà, si vous êtes quasiment bilingue maintenant en assyrien cunéiforme, comme c'est dit Lausanne, vous pouvez retrouver des illustrations et puis, comme toujours, un certain nombre de liens qui viennent compléter ce que vous entendez au cours de cette heure sur notre fil Twitter, avec une très belle photo de ces plaques d'argile avec l'écriture cunéiforme sur notre fil Twitter @laméthodefc. Peut-être simplement, je vais demander à mes deux invités une réaction à ce que vous venez d'entendre et à la façon dont on a entendu, bien justement, ces plaques cunéiformes peuvent nous renseigner sur les notions d'apprentissage en Mésopotamie à cette époque. D'un côté, évidemment, on a appris sur les modalités d'apprentissage qui sont pas très très différentes de celles que l'on connaît aujourd'hui. Ce que l'on a appris aussi, évidemment, c'est les rapports intimes entre le phénomène de l'écriture et le phénomène du pouvoir. À la fois le pouvoir économique, l'enjeu, c'est savoir compter, savoir traduire des sommes d'un matériau à un autre. Et à ça vont s'ajouter, évidemment, l'enjeu mythologique ou l'enjeu religieux. Donc, effectivement, la construction de la civilisation, dans ce berceau de la civilisation qu'est la Mésopotamie, l'écriture sert de médium à la construction de l'économique et du religieux. Alors peut-être un mot, aussi une réaction à ce que vous venez d'entendre, Patrick Pion ? Oui, alors moi je suis à la fois très touché, très ému d'entendre le témoignage de Cécile Michel sur ces plaquettes. En fait, comme vient de le dire Nathan, on est pratiquement à aujourd'hui, en tout cas quelque chose de très proche. Et en tant que préhistorien, j'ai presque envie de dire qu'on est là en présence de la dernière grande invention qui a bouleversé le monde. Et en tant que préhistorien encore, je m'interroge parce que, en fait, on se rend compte que c'est pendant les 99% de l'histoire de l'humanité qui sont sans écriture que se sont faites les innovations décisives qui ont modelé ces sociétés et qui font qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, à savoir le langage articulé, la maîtrise du feu, la spiritualité, je l'ai évoqué tout à l'heure, la domestication durable des animaux et des végétaux, avec le néolithique, le passage des sociétés dites de prédation aux sociétés de production, même si on sait aujourd'hui que ça nous a conduit en fait à une prédation généralisée et au gaspillage généralisé des ressources, et puis aussi les matériaux ou les matières artificielles, c'est-à-dire des matières qui n'existent n'existe pas dans la nature, l'extraction et l'alliage des métaux. Et ces découvertes, ces inventions, ces innovations qui se sont diffusées partout interviennent avant qu'existe l'écriture, alors qu'elles ont nécessité, forcément, elles ont mis en jeu des savoir-faire et leur transmission, à la fois dans l'espace et aussi dans le temps par les transmissions intergénérationnelles. Alors justement, on va parler de ces différentes formes de transmission, juste pour un mot pour nos auditrices et nos auditeurs, pour dire que Cécile Michel est non seulement une contributrice à cet ouvrage collectif que vous avez dirigé. On vient de vous mettre le lien vers son blog chez nos camarades de Pour la Science, que vous pouvez aller compulser, parce qu'on y trouve des choses assez passionnantes à lire. Justement, un mot, parce que quand on pense transmission, on pense évidemment, encore une fois, on est un peu déformé par notre contemporanéité, mais une transmission donc n'est non seulement pas seulement verticale, elle peut être horizontale, elle n'est pas que spatiale, elle peut être temporelle. Enfin, il y a vraiment différentes modalités qui organisent la transmission tout au long de l'histoire de manière très distincte. Aujourd'hui encore, on peut considérer la transmission non pas seulement comme un fait d'apprentissage. La transmission et l'apprentissage ne sont pas totalement synonymes. Qui veut répondre à ça ? Patrick Pion. Il y a déjà une chose importante à comprendre, c'est que apprendre, on apprend tous les jours et de toutes les façons, et en mobilisant tous nos sens. Pas simplement la vue et l'ouïe telle qu'on l'a privilégiée ensuite. Ça, c'est un point très important. Et à partir de là, on peut, de façon en partie hypothétique, approcher les modalités de transmission des sociétés qui sont des sociétés orales, à partir des éléments que je vous ai dit tout à l'heure, dont le comparatisme, l'anthropologie, etc. Donc il y a une transmission qui est pas nécessairement verticale, qui se fait à travers la familiarisation dans le milieu où on est, qui peut être un milieu professionnel ou le milieu social globalement, et où on apprend. Et puis il y a des transmissions qui se font de façon orientée, d'un maître vers ses élèves ou vers ses disciples, pour des connaissances qui sont des connaissances spécifiques et qui ne seront pas, elles, nécessairement partagés. Donc ce sont des savoirs parce qu'ils ont une dimension sociale dans leur construction, mais ils ne seront pas forcément partagés par tout le monde. Et dans ces modalités de transmission, ben, on peut parler par exemple du chant, de la prosodie, de la danse, qui étaient certainement des éléments importants, dont on n'a pas d'image malheureusement, mais bon, on connaît, enfin on peut imaginer tous les rythmes qu'on peut créer à partir de percussions diverses, mais on connaît aussi des lithophones, c'est-à-dire des instruments faits de lames de silex de différentes longueurs qui étaient déposées sur vraisemblablement des cadres de bois, et on connaît aussi des flûtes faites dans des fémurs ou dans des os d'oiseaux, donc des instruments mélodiques qui sont en général les supports de ces transmissions à caractère mythologique ou rituel. Puis il y a un autre moyen aussi de transmettre et d'ancrer ces savoirs, c'est ce qu'on pourrait appeler entre guillemets la sacralisation des paysages. Alors la sacralisation des paysages, c'est ce que on appelle parfois des sémiophores, ou ce que Bonne-Maison appelait les géosymboles. C'est telle colline ou tel rocher qui est la trace d'une action des héros ou des êtres du temps d'avant au moment de la création du monde. Alors on connaît plein d'exemples en ethnographie, hein, Sumba notamment, mais il y en a d'autres. Et c'est quelque chose que l'on arrive nous aussi à percevoir, préhistoriens, à partir de l'utilisation des SIG notamment et de la localisation des grottes ornées. Par exemple, en Périgord, c'est-à-dire que la grotte cache des connaissances et un savoir, mais elle est clairement identifiable dans le paysage et de loin, et on sait la repérer et on sait où elle est. Et puis au-delà de ça, il y a tout ce qui est images et représentations sur différents supports, les pictogrammes, etc. Nathan Schlanger, un mot sur ce propos ? Oui, je voulais dire, enfin, sous forme de boutade, disons, la transmission des savoirs, c'est pas la transmission du virus. Donc... c'est-à-dire mais très en lien avec l'actualité en ce moment. Je voilà. C'est-à-dire parce que il fut un temps où il y avait des théories épidémiologie où la culture se transmettait sous ce type de forme, un peu des analogies néo-darwiniennes qui ont sans doute leur mérite, mais qui sont peut-être pas tout à fait pertinents. Quand je dis donc c'est pas la transmission d'un virus, c'est-à-dire qu'il y a une certaine orientation, une certaine intentionnalité, il y a une dimension proactive, hein, parce qu'il y a un contexte social qui permet, qui encourage l'apprentissage. Et évidemment, il y a une dimension restrictive. Les connaissances ne sont pas partagées partout. Pas tout le monde est en mesure d'enseigner, de transmettre ses savoirs. Et donc, va s'inscrire immédiatement une dimension politique. dans le sens large du terme, à l'acte de transmission. Et c'est, me semble-t-il, tout à fait ce que voyaient nos camarades de Pink Floyd, puisque « we don't need thought control », c'est-à-dire que pour eux, dans l'Angleterre des années 70... Nous n'avons pas besoin de contrôle des pensées, pour traduire en français. Contrôle de pensées, ça veut dire que l'acte même d'éducation est sujet à contestation, indépendamment de son contenu. Bien sûr. Et ça, c'est un phénomène... Et c'est une autre forme de transmission. Exactement. C'est un phénomène tout à fait occidental, intéressant, que l'on peut approcher de cette, en contrastant le virus et le savoir. J'aimerais qu'on prenne un exemple concret. Je crois que c'est un exemple qui vous tient à cœur, qui est un des articles assez assez passionnant, parce que évidemment c'est quelque chose qu'on n'a pas totalement en tête quand on pense à la transmission d'un savoir ou à l'évolution d'une certaine forme de savoir. C'est un article de Mark Smith sur les modèles d'apprentissage de l'écriture en France depuis la Renaissance. Je sais que c'est un des articles qui vous tient à cœur tous les deux et qui explique comment ont été transmises les transcriptions, c'est-à-dire finalement les graphies en Europe à la Renaissance, pour quelles raisons et comment finalement elles ont perpétré en donnant d'une part l'italique, d'autre part le gothique, et puis cette forme un peu neutre qui est celle qu'on utilise aujourd'hui. Nathan Schlanger sur cette transmission-là. Oui, donc Mark Smith, qui est mon collègue à l'École nationale des chartes, professeur de paléographie, montre très bien cette notion de modèle, le modèle dans le sens littéral, c'est-à-dire le cahier calligraphique qui contient l'idéal vers lequel vont aspirer les apprentis écrivains dans un cadre scolaire ou autre. Et ce qu'il montre, c'est à la fois des variations, des changements qui peuvent être pour des causes aléatoires, et aussi la fixité de ces modèles. Et le fait assez remarquable que nous apprenons à écrire selon des modèles qui sont de deux siècles déjà passés et qui n'ont pas du tout évolué ou qui n'ont pas du tout absorbé les transformations technologiques, culturelles majeures du XXe siècle. Patrick Pion, là-dessus, sur cet article de Mark Schmitt et sur sur cette transmission, en fait, finalement, où il explique comment bien ces graphies vont petit à petit se spécialiser, devenir finalement des sortes de spécificités locales avant finalement d'être réintégrées. Non. Alors, c'est un peu non. Je pensais à au cunéiforme et au système d'écriture. Et je me posais la question de ce qui est passionnant, c'est de savoir comment ça disparaît. Alors, si vous voulez, allez-y. Je vous en prie, racontez-nous comment est-ce que ce système cunéiforme. Et en l'occurrence, en fait, ça, dans beaucoup de cas, ça ne disparaît jamais complètement. Ça continue à être pratiqué, mais dans des milieux confinés. Pour revenir à la situation actuelle et à l'actualité. L'exemple du cunéiforme est tout à fait intéressant. Il a arrêté d'être pratiqué au quotidien assez tôt, mais on a continué à l'écrire malgré tout jusqu'à l'époque romaine, uniquement dans le cadre des temples et pour des textes religieux, où ça devient finalement une sorte d'écriture ésotérique après avoir été une écriture partagée. Et je pense, alors on a des cas plus récents, tu en as, Nathan ? De ces constructions d'écriture ésotériques qui en fait sont des héritages d'écriture qui ont existé et qui disparaissent progressivement comme ça. Non, mais peut-être vous pouvez nous expliquer parce que dans ce fameux article auquel je reviens de Mark Smith qui m'a passionné, comment apparaissent les graphies italiques ou italiennes puis les graphies gothiques et non pas du tout. Non. Alors on peut sur quoi voulez-vous partir? Moi j'aimerais bien à ce moment-là revenir Patrick Pion sur autre chose puisque vous l'évoquiez tout à l'heure et j'aimais bien l'intérêt qu'il peut y avoir justement à pas tomber dans un certain nombre de biais cognitifs ou de biais d'interprétation sur l'apprentissage, la transmission dans certains groupes ethniques précis et notamment sur les sociétés pygmées au Cameroun. Il y a un papier là-dessus que je trouve assez éclairant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors c'est un papier qui nous présente, c'est une étude de cas, les différentes formes d'apprentissage et de transmission intentionnelle ou non qui se font dans une société de chasseurs-cueilleurs qui sont les Baka. Et donc il y a une grande partie des supports que j'ai évoqués tout à l'heure et il y a aussi une dimension très importante de l'apprentissage qui est le jeu. Le jeu à travers des dispositifs matériels construits à partir d'éléments naturels ou d'éléments naturels qui servent d'espace d'apprentissage en tant que tel. Du coup, comme aujourd'hui, quel est à travers finalement ce regard archéologique que l'on a sur la transmission des savoirs, on en a parlé un petit peu au début de cette émission, comment est-ce que vous observez, alors peut-être à un titre plus personnel, l'évolution justement aujourd'hui de cette espèce de transmission qui est devenue de facto à cause du numérique beaucoup moins vertical, beaucoup plus horizontal, pardon, certainement aussi beaucoup plus indépendante, vers quoi vous la, comment est-ce que vous la compréhendez, comment est-ce que vous l'appréhendez, pardon, comment est-ce que vous la comprenez, justement à l'aune justement de ce colloque et de l'évolution de l'apprentissage à travers les âges, Patrick Pion. Alors je suis bien incapable de prédire la suite de ce qui va nous arriver. Ça, de prédire la suite, non, mais en tout cas de donner une analyse sur la façon dont les choses sont évoluées. On peut s'interroger sur quels seront les outils de validation de ces informations qui circulent. Là, je fais allusion à tout ce qui est les fake news, bien sûr, notamment, et puis les alternatives facts. C'est une vraie question qui se pose, et là, c'est une question de société par rapport à laquelle on aura à faire des choix, et qui doivent être des choix démocratiques, et non pas décidés par quelques-uns au bénéfice de quelques-uns. Il y a beaucoup de médias, y compris bien votre serviteur qui travaille toutes les semaines via le programme Les Idées Claires, qui essaie justement d'apporter une parole scientifique et de rétablir une parole scientifique autour de différentes formes de déformation de l'information. Quel est votre point de vue, Nathan Schlanger, là-dessus? Oui, parole scientifique, mais aussi la notion d'autorité, je pense. Oui. L'autorité qui découle d'une certaine expertise qu'ont les personnes qui ont un savoir, dans ce cas-là, à transmettre, et qui l'ont acquis selon certains types de modalités qui sont connues et reconnues dans l'ensemble de la société. Évidemment qu'il faut s'assurer que cette expertise, ces connaissances approfondies, ne sont pas dévalorisées par le fait que le médium permet l'expression générique de quiconque. Donc il faut trouver des moyens effectivement pour s'assurer que l'expérience, les connaissances dans le champ le plus vaste soit audible, mais aussi que soit reconnue contestée, débattue, etc., une certaine type d'expertise. Un exemple très intéressant, c'est évidemment que vous avez peut-être débattu dans vos programmes, c'est la science participative. Bien sûr. La science participative que font les citoyens, justement, qui observent, on parlait tout à l'heure des moineaux qui disparaissent. Les moineaux disparaissent, c'est l'observation des quiconques dans leur pavillon de banlieue qui... Sur les balcons des villes, par ailleurs. En France, hein. Voilà, qui montrent qu'ont lieu des changements. Donc, savoir mobiliser ce type de connaissances requiert quand même une certaine type d'expertise et d'acquis qui, me semble-t-il, peut-être de façon un peu réactionnaire, mérite d'être soutenu et défendu. En tout cas, ça interroge indiscutablement la verticalité de la transmission des savoirs qui est certainement battue en brèche et fragilisée en ces temps contemporains. Si vous voulez en savoir plus sur la transmission des savoirs via le prisme de l'histoire, eh bien ce sera précisément le thème du cours de l'histoire de l'émission de mon camarade Xavier Mauduit tout au long de la semaine prochaine à 9h05, juste après la matinale. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Patrick Pion, merci Nathan Schlanger d'être venu nous parler de Apprendre, archéologie de la transmission des savoirs. C'est aux éditions de La Découverte. Un petit mot pour vous dire qu'on se retrouvera exceptionnellement en plus de demain à 16h, un peu plus tôt, demain à partir de 7h15, puisque comme je vous le disais hier, les radiographies du coronavirus reprennent en lieu et place de la question du jour tous les vendredis. On essaiera de faire le point avec le camarade Guillaume Erner sur l'avancée de la recherche, sur aussi contourner un peu et réinvestir la désinformation autour de tout ce que vous pouvez lire ou entendre sur l'épidémie du coronavirus. Donc rendez-vous demain matin à 7h15 dans la matinale avec un bon café bien chaud à la main. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. C'est Ludovic Auger à la technique aujourd'hui. Demain, ce sera une table ronde consacrée à l'actu de la recherche. Nous parlerons de sacrifices d'enfants dans une tribu précolombienne, et oui, du paradoxe de Wigner et d'un nouveau programme de facilitation du diagnostic de la schizophrénie. Rendez-vous demain à 7h15 pour la radiographie et à 16h pour la méthode scientifique, jusqu'à preuve du contraire.